Bienvenue au Grimoire de Merlin, le rendez-vous des passionnés de démonologie hébraïque et autres juiveries venimeuses. Je suis Merlin, nous sommes là pour étudier la haine juive omniprésente dans nos sociétés, et ça, c'est très bien ça. Prenez place dans mon labo, brave Goïm, et soyez attentifs. Je m'en vais vous livrer mes dernières recherches que j'ai soigneusement recueillies dans mon grimoire au fil des siècles. Alors voyons voir un peu sur quel gros juif huileux nous allons nous pencher. Tac, tac, tac. Ah ! Adolphe Crémieux. En voilà un de gros juifs dégueulasses que personne ne soupçonne. Le fameux auteur du décret Crémieux, eh oui, de 1870, en France, qui attribuait la citoyenneté française aux juifs d'Algérie. Voici un manifeste de ce brave youtre publié dans le Morning Post de Londres du 6 septembre 1920. J'ouvre les guillemets. L'union que nous désirons fonder ne sera pas une union française, anglaise, irlandaise ou allemande, mais une union juive universelle. D'autres peuples et races sont divisés en nationalités. Nous seuls n'avons pas de citoyens, mais des coreligionnaires. En aucune circonstance, un juif ne deviendra l'ami d'un chrétien ou d'un musulman avant qu'arrive le moment où la lumière de la foi juive, la seule religion de la raison, brillera sur le monde entier. Dispersé parmi les nations, qui depuis un temps immémorial furent hostiles à nos droits et à nos intérêts, nous désirons d'abord et rester immuablement juifs. Notre nationalité, c'est la religion de nos pères, et nous ne reconnaissons aucune autre nationalité. Nous habitons des pays étrangers, et ne saurions nous inquiéter des ambitions changeantes de pays qui nous sont entièrement étrangers, alors que nos problèmes moraux et matériels sont cruciaux. L'enseignement juif doit s'étendre à toute la terre. Israélites, quelque endroit où le destin vous conduise, dispersés comme vous l'êtes sur toute la terre, vous devez toujours vous considérer comme faisant partie du peuple élu. Si vous vous rendez compte que la foi de vos pères est votre unique patriotisme, si vous reconnaissez qu'en dépit des nationalités que vous avez adoptées, vous restez et formez toujours et partout une seule et unique nation, si vous croyez que le judaïsme est la seule et unique vérité religieuse et politique, si vous êtes convaincu de cela, Israélites de l'univers, alors venez, entendez notre appel et envoyez-nous votre adhésion. Notre cause est grande et sainte et son succès est assuré. Le catholicisme, notre ennemi de tous les temps, gît dans la poussière, mortellement frappé à la tête. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend. Les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière de toutes les nations et de tous les peuples, où la bannière unique du Dieu d'Israël sera déployée et hissée sur les rivages les plus lointains. Mettons à profit toutes les occasions. Notre puissance est immense. Apprenons à adapter cette puissance à notre cause. Qu'avez-vous à craindre? Le jour n'est pas éloigné où toutes les richesses, tous les héros de la terre deviendront la propriété des enfants d'Israël. Fermez les guillemets. Et notre ami Adolphe Crémieux, hein, pas l'autre, hein, ne confondez pas, il nous disait au travers d'un autre journal, bien avant cela, en 1861, intitulé « Les archives israélites », je réouvre les guillemets, « Un messianisme des temps nouveaux va surgir, la Jérusalem d'un nouvel ordre, sainte fondation entre l'Orient et l'Occident, doit se substituer au double empire des papes et des empereurs. Je ne cache pas qu'au cours de toutes ces années, je n'ai jamais consacré ma pensée qu'à cette seule œuvre. À peine a-t-elle commencé, que l'influence de l'Alliance israélite universelle s'est faite sentir au loin. Elle ne se restreint pas seulement à notre culte, elle veut pénétrer dans toutes les religions comme elle a pénétré dans tous les pays. Les nationalités doivent disparaître, les religions doivent être supprimées. Israël, lui, ne doit pas disparaître, car ce petit peuple est l'élu de Dieu. Dans tous les pays, nous devons mettre les Juifs en relation avec les autorités pour qu'à la première nouvelle d'une attaque, nous puissions nous lever comme un seul homme. Nos voix désirent se faire entendre dans les cabinets des ministres, jusqu'aux oreilles des princes, et advienne que pourra. Tant pis si nous devons faire usage des lois de force incompatibles avec les progrès de l'heure. Nous nous joindrons alors à tous les protestataires. On nous adjure de pardonner le passé, Le moment est là où se crée sur les fondements inébranlables une alliance immortelle. Fermez les guillemets. Et c'est signé Adolphe Crémieux. Eh oui, alors, il est pas beau celui-là ? Mais oui, c'est clair ! Eh bah ouais. L'Algérie, la France, les séfarades... une belle histoire d'amour. Aïe aïe, merde ! Putain ! Mon flacon de venin de Patrick Cohen. Il n'avait pas fini de distiller. Eh bien, mes braves goïms, sur ce, c'est tout pour cette fois, et on se retrouve très vite au prochain numéro avec d'autres très très gros dossiers tout aussi riches en youtreries démoniaques. C'était Merlin, et d'ici là, gardez la pêche.